Ok, 20 terra de flow, lingé par défaut, remplace l'air par le bédo, fonce des gels les gros, j'ai perdu proche et proche, j'ai proche des proches, j'ai taffé, tracé, rappé, j'ai rappé ma névrose, le bif, les meufs, le shit, les keufs, le vis, la queue, j'endurcis, somme mes putains de vaisseaux, enterrement de mots, j'm'enferme dans l'ego depuis que je sais que l'enfer c'est les os. Ok, putain de merde, gardem, god bless, daron sorti de la hess, faut que j'me confesse, j'écris ma vie, j'défie Marie-Jeanne tous les soirs, briser la nuit, briser ma vie sans trop d'espoir, au bout de l'avenir, j'peux faire le début à la fin, c'est quoi un souvenir quand t'es le seul qui s'en souvient, jeune africain, un tadios, mon historien, j'suis calibré. Je n'ai pas le temps quand on vient nos mains. Cœur trop foncé, car corps trop foncé, pas porte au torché sans conséquence. C'est dans ces moments-là quand c'est empêché de foncer dans le tas de l'offre corps santé pour l'un et l'autre, pour l'une ou l'autre raison insensée. Oui, c'est insensé, non, c'est un sens unique. C'est ce que je pensais, je suis crétin sensé qui préfère se lancer dans dispute. La pute m'a dit, madame, s'il faut que tu te calmes deux secondes. Je suis pas ta pute, je suis pas ta vie, je suis pas ton best plan. Ma qu'est-ce que t'es, c'est vraiment décevant, t'es vraiment trop con. Qu'elle me dit, oh ta gueule, tu me casses les couilles. Tu me casses les couilles, putain, moi je voulais juste qu'on baisse. Tu voulais juste qu'on baisse, je voulais juste qu'on baisse. Ouais, mais bon, laisse tomber. Reste, tant pis baisse le son. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait, je reste monté là, c'est ça. Oh putain, tu me casses trop les couilles, bitch, par avant la gifle, je risque vraiment de mal agir. Pute, casse-toi de ma vie, allez, salome, salut. Non, je vais pas te marier, connasse, allez, hors ma vue. Comme beaucoup d'hommes sur terre, j'ai rêvé de bonheur et d'amour. Villa sur la mer, en plage côtière. Mais comme beaucoup d'hommes, je n'ai pas du tout eu ce que je voulais. De loin comme de près, j'ai plus fait la guerre que fait l'amour. Et l'amour c'est quoi quand le mariage est la cause principale du divorce. Si mes sentiments se trouvaient en dessous de la ceinture, j'aurais été plutôt barré, j'ai culotte d'Europe précoce. De plus en plus loin de ce qui nous rapprochait vraiment. Je suis là sans être là, là-bas si j'y suis, je serai plus que là où je suis actuellement, physiquement. Ces fils de pute ne m'aiment pas, eux tous m'aiment toi. Tu souffres d'être toi, un surbête noir, un bras d'honneur au loin. Qu'est-ce qu'il y a de rose en toi, à part ce truc où je mets mes doigts, je sais pas. Je veux pas qu'on vive ensemble, je veux qu'on meure ensemble. Parce que la mort rapproche et que c'est elle qui tranche. Pour ça que le savoir vivre n'est pas de la politesse, mais de la politique pour prendre la vie des gens. Promouvoir l'irraison, puis être pris pour exemple. Donner des directions, donner des solutions, donner des directives sur la vie active. Disant que la vie active doit être la vie des gens. Comme une érosion d'émotions sélectives, envers religion, dévotion sans litige. Funèbre en raison, entièrement sensitive. Car la mort est la somme de ce qu'on leur enseigne. Et par ailleurs, on prend plus le temps de dire ce qu'on voulait. On prend plus le temps de dire ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire quasi tout. Faire les défauts apaise l'absence de raison. Pas de namasté, peu de modestie. Goron des vases, des magnums précis. Goron est chargé, pas de doigts qui décide. Radar à flash et gamos se trop speed. Enchaînement de mauvaises décisions précipita graduellement l'accident. Du coup l'ambulancier devient ton confident. Du coup la mort fera de toi un bon vivant. Du coup les vers de terre feront ta transition.